pas venu jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas par des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. On arrive dans une section de l'Épître qui va se terminer avec la fin de l'Épître. À date, on peut dire qu'il y a trois grandes... Pour vous aider à vous rappeler l'Épître, il y a trois grandes sections dans l'Épître. Mais avec des thèmes qui sont abordés dans chacune des sections qui sont plus que juste l'idée du résumé que je vais vous donner. On peut dire que les chapitres 1 à 7, si on résume un thème, ça commence avec la consolation que Dieu apporte. Et ça se termine avec la consolation que Dieu apporte. Et principalement, la consolation dont l'apôtre lui-même, celui qui écrit, celui que Dieu a appointé pour écrire l'Épître, a été témoin lui-même en voyant les Corinthiens, en voyant la réaction des Corinthiens face à la première Épître qui avait été écrite auparavant. Et on a vu toute la détresse que ça a pu procurer, même chez l'apôtre Paul, jusqu'à ce qu'il y ait des bonnes nouvelles de Tite. Rappelez-vous, hein, quand Tite est arrivé, il y avait de la joie de voir comment les Corinthiens s'étaient comportés. Ça devait apporter une consolation, qui d'ailleurs leur écrit aux Corinthiens. Mais en même temps, on va y revenir un petit peu plus tard, dans cette section-là, manifestement, il y a des problèmes dans l'Église. Il y a une maturité que l'Église doit atteindre pour être capable de surmonter ces problèmes-là. Et l'apôtre, mettons que Dieu, à travers l'apôtre, veut développer cette maturité-là chez les frères, les sœurs, l'Église de Corinthe. Les saints qui sont à Corinthe. Ils n'ont pas encore cette sagesse-là. Et le deuxième épître que Dieu leur envoie et qui nous envoie à nous, c'est pour justement qu'ils atteignent cette maturité-là. On va voir un peu comment Dieu il procède à travers l'écrit de l'apôtre Paul. Chapitre 8 et 9 qu'on vient de terminer, c'est sur la collecte. Fait que première section, c'est la consolation. Si les Corinthiens goûtent à la consolation, ils ont commencé à goûter à la consolation, ils sont mûrs, plus mûrs pour être capables d'accomplir une œuvre de grâce, c'est-à-dire la collecte, de participer à la collecte avec un état de grâce renouvelé. Et c'est ce qui se passe dans les chapitres 8 et 9. Le sujet principal, c'est la collecte et la raison pour laquelle l'Église est interpellée et comment elle doit le faire et comment chacun doit participer là-dedans. Et les chapitres 10 et 13, on peut les résumer de cette manière-là. Les cœurs consolés ou les Corinthiens consolés et pleins d'actions de grâce doivent combattre ceux ou ce qui les empêche de rester consolés tout le temps ou vivre dans la consolation de Dieu tout le temps. Et c'est la raison pourquoi ces chapitres-là, principaux, sont écrits. Vous savez, le chapitre 10 commence avec « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, mais plein d'hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie de ne pas me forcer à user de la rigueur, de l'autorité que Dieu m'a donnée. » Ça commence de même. Tournez avec moi au chapitre 13, juste pour vous montrer que ça se tient, cette section-là, ça se tient tout ensemble. On peut commencer même à 12-21. Je crains qu'à mon arrivée, il parle de sa troisième venue qui n'a pas encore eu lieu. Je crains qu'à mon arrivée, Dieu ne m'humilie à nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, qui ne se sont pas repentis de l'impureté, l'impudicité, la dissolution auxquelles ils se sont livrés. Je vais chez vous pour la troisième fois, toute l'affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres Si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Car il, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle par moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous qui sommes faibles en lui, nous vivrons, mais nous vivrons par lui, par la puissance de Dieu, pour agir envers vous. Et un petit peu plus loin, verset 9, 10, « C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » Voyez-vous, là, la section 10 à 13, ça commence avec un avertissement solennel d'une intervention de Paul, mais dans le fond, c'est l'intervention de Jésus-Christ à travers Paul. C'est pas l'intervention de Paul. Paul est mort aujourd'hui. La lettre reste, elle nous dit la même chose. Vous avez vu dans les épîtres de l'Apocalypse, les cinq épîtres qu'on a lues tout à l'heure là, en introduction, que Jésus-Christ avertit l'Église et qui menace l'Église d'intervenir personnellement. Ce sont des églises locales vivantes là, qui existaient à ce moment-là. Ici, c'est pas différent. Ici, c'est l'apôtre était vivant, donc c'était lui l'autorité divine sur la terre, d'une certaine manière. Dieu y avait délégué ça, donc il y a une menace réelle pour l'intervention de Jésus-Christ dans cette Église-là. Maintenant, ce n'est pas la méthode de Dieu d'intervenir. C'est-à-dire, c'est le dernier recours de Dieu quand il intervient lui-même. Ce que Dieu préfère, c'est des saints, des églises, qui sont capables, par la foi, en faisant confiance à Dieu, de régler ces choses-là par eux-mêmes. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu intervient lui-même, et que c'est un jugement qui s'applique, c'est parce que les recours humains ou les personnes ou les gens qui auraient dû agir ne l'ont pas fait. Parce que quand vous lisez les lettres à l'Apocalypse, il y a encore une possibilité pour les églises de faire quelque chose. Si le décret n'est pas arrêté, il dépend de ce que l'Église va faire. Vous êtes d'accord? Si l'Église ne fait rien, Jésus-Christ dit qu'il va agir. Donc, ici, c'est la même chose dans l'Épître aux Corinthiens. Et la méthode de Dieu, ça a été d'abord, dans les premiers chapitres de cette deuxième lettre, de réconforter les croyants, puis de les amener à une plus grande intelligence de pourquoi ils font des choses qui ne sont pas selon le plan de Dieu. Mais dans les chapitres 10 à 13, c'est vraiment une confrontation directe avec ceux qui agissent mal. Encore là, dans le but, non pas que ces gens-là soient détruits ou excommuniés, mais qu'ils arrivent à la repentance et que l'autorité de l'Église ou l'autorité de Dieu à travers l'Église ou l'autorité de la parole de Dieu à travers l'Église soit mise en évidence et soit magnifiée par rapport au mauvais comportement humain. Dans ce passage-là qu'on a lu ce matin, donc, rapidement, il y avait des accusations graves de porter contre l'apôtre Paul. Avant, dans les autres chapitres, il y avait des previews de ces accusations-là. Mais ici, ils sont directs. L'apôtre rapporte, pas plus clairement que ça, les accusations dont il était l'objet ou dont son groupe. Quel était le groupe de l'apôtre? Parce que le « nous » revient, hein? Il commence avec « moi, Paul ». Je vous prie, un peu plus loin, vous allez voir qu'il fait référence au « nous ». Le « nous », ce sont les serviteurs que Dieu a appointés avec lui, c'est-à-dire Paul, Timothée, Silas, Tite. Et s'il y en a d'autres, là, je les connais pas. Mais c'est au moins ceux-là. Et on accusait dans la première partie, on l'a vu dans la première partie qu'on a lue, là, « Moi, Paul, je vous prie pour la douceur, la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous. » Ici, là, il y a une accusation qui était lancée contre l'apôtre Paul. « Et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » Allez voir tout de suite au verset 10. Au verset 9 même, du même chapitre, 10. « Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car, dit-on, Ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, donc, et sa parole est méprisable. Qu'est-ce que ça dit, ça? Dites-moi ça en québécois, ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de couilles quand tu tiens devant le monde. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là. Il moumoune devant le monde. Il plaît, il cherche à plaire. Donc, il marche selon la chair, ce gars-là. D'ailleurs, il marche tellement selon la chair que on lui a reproché au départ parce qu'il avait changé son plan de voyage. Hein, il devait, vous rappelez-vous, son troisième voyage devait se faire à travers l'Achaïe. Pour aller ensuite en Macédoine et revenir vers l'Achaïe, ben son plan de voyage, il a changé. Il est passé par la Macédoine avant d'aller en Achaïe. Et quand il écrit le deuxième épître, il est obligé d'expliquer ce changement de plan de voyage-là. Vous vous rappelez, au chapitre 1, c'est ça qu'il fait. Parce qu'on lui dit, il y a des résolutions sur la chair. En lui, c'est le oui ou le non, ça dépend des personnes. C'est une moumoune. Mais à qui on disait que c'était une moumoune? Expliquez-moi à qui. De qui on disait que c'était une moumoune? De Paul? C'est qui Paul? C'est un gars qui se recommande lui-même. Serviteur de Dieu. Bon. Comment tu fais pour savoir ça, c'est un serviteur de Dieu? Dis-le. Oui, mais c'est lui qui le dit, ça. C'est pas bon. Il est en conflit d'intérêt. On pose une bonne question aussi. Hein? Et les 8 premiers chapitres ont passé à travers la réponse de ces questions-là. Je vais vous faire remarquer des petits points. OK? Parce que le sujet était abordé avant, mais il était abordé d'une manière à éduquer les Corinthiens ou les saints à reconnaître c'est qui un serviteur de Dieu ou c'est qui un apôtre. Oui. Oui, mais Luc n'avait pas écrit à ce moment-là encore. Non. Tu ne peux pas compter sur Luc, là, ici. Oui, mais on va se mettre dans la peau des Corinthiens et on va essayer de comprendre comment ça peut s'appliquer à nous après, dans notre contexte aujourd'hui, si vous voulez. La question, hein? C'est qui, Paul, qu'on t'arrête de poule mouillée ou de gars qui n'a pas de couilles ou de gars qui marche, qui a des résolutions tout le temps changeantes, qui s'adaptent à n'importe quelle circonstance pour plaire aux hommes? Ah oui? Où ça? Ben, c'est important que tu me le dises. Ouais, Antioche, ouais, mais il n'y avait pas mis de lettres, hein, rappelez-vous? Avons-nous besoin de lettres de recommandation, comme c'est de la coutume de quelques-uns? Il n'est pas arrivé avec une lettre d'Antioche, celui-là, là. Vas-y, Michel, après ça, Jean-Claude. Je ne sais pas si tu veux vraiment une réponse. Je vais donner une. Ça, c'est un élément de réponse qui est abordé dans les chapitres précédents. Ceux qui ont mis la tête sur le vidéo, c'est Paul, Tite, Timothée, Silas. Hein? Vous êtes d'accord? Une bonne réponse, ça? Puis ça a produit quel fruit à Corinthe? Des gens? Ça a produit l'Église. C'est quoi l'Église? C'est composé de? Saints. C'est des personnes qui se sont converties à Jésus-Christ et qui ont le Saint-Esprit en dedans d'eux. Donc, ils ont vu le miracle de l'Esprit dans leur vie. C'est un élément de réponse. Jean-Claude, tu avais d'autres choses à dire? On va juste passer un petit peu. Je ne vais pas faire tout le tour des chapitres précédents, mais pour répondre à cette question-là, parce que ça a été abordé précédemment. Premièrement, Rémi, je t'ai oublié. Excuse. Il parle dans 2 Corinthiens 6, dans 6, 4, mais nous recommandons, nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Parce que Paul, ouais, mais pour dire ça, il faut que les actions aillent avec. On est d'accord? Donc, quand Paul dit dans 6, tu fais bien de citer, nous nous rendons recommandables à toute âme d'homme. Ça veut dire que, examinez ma vie, examinez-les sous toutes les coutures, examinez nos vies, parce que dans le fond, c'est nous qui dit à ce moment-là, examinez nos vies, vous ne trouvez rien de malhonnête. C'est ça que ça dit. C'est ce contexte-là. Si tu vas à Saint-Denis, Michel, avec Gilles, puis vous êtes fourbe, vous essayez d'attraper les gens avec malhonnêteté, ou peu importe la raison, ça marche pas. Vous rendez pas recommandable. Hein, on est d'accord? Je sais que c'est pas ça que vous faites, là, mais c'est important. C'est un bon point que tu amènes là. On va regarder un tout petit peu les points qui ont été soulevés pour démontrer qui il était. Et c'est pas parce qu'il veut. L'objectif de Dieu ici, là, c'est pas que Paul soit magnifié puis que Dieu passe en second plan. Au contraire, c'est que Dieu est magnifié à travers ce que son serviteur fait. Poser la question, c'est y répondre. Poser la question, Joanne, c'est y répondre. Dans ton cas, là, dans cette question-là. Vous comprenez ce que Joanne a dit? Est-ce que ça se peut que Paul veuille leur rappeler les choses que Dieu a faites? Dans le fond, c'est ça qu'il dit. Bien sûr que c'est ça qu'il veut faire. Mais c'est pas Paul qui fait ça, c'est Dieu. À travers l'apôtre, à travers son serviteur. Et ça donne que ce serviteur-là a écrit la parole de Dieu qui nous est restée aujourd'hui. Fait que Dieu a fait une double action. Il a aidé l'Église de Corinthe, puis il nous aide aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de cette épître-là. Regardez avec moi dans les chapitres, on va dire, on a déjà abordé l'aspect du voyage, tout à l'heure c'est réglé. La solution à ça, c'est que Paul a expliqué pourquoi il a fait un changement. Et il a dit là-dedans, c'est pour vous ménager que je ne suis pas allé tout de suite à Corinthe. Parce que je voulais, sous-entendu, que la parole de Dieu fasse son effet chez vous. On l'a abordé ça dans le passé. Maintenant, si on regarde au chapitre 2, 2:17, c'est la fin du chapitre 2. Comment se font reconnaître ceux qui sont de Dieu? Verset 17, il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ici, c'est intéressant, c'est la première fois qu'il va mentionner ceux qui falsifient la vérité. Et vous allez voir, le mot « ceux » va revenir, le pronom « ceux » va revenir un peu plus tard. Mais il dit, les serviteurs de Dieu parlent selon la vérité, donc parlent en accord avec la parole de Dieu. Évidemment, l'Épître aux Corinthiens s'est écrit au moment où il l'a écrit, donc on ne peut pas comparer l'Épître aux Corinthiens avec l'Épître aux Corinthiens. Mais à quelque part, le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui prêche la vérité. Et il y avait d'autres écritures avec lesquelles on pouvait comparer ce que l'apôtre avait dit. On pouvait comparer aussi avec les paroles que Jésus avait dites aussi, que les gens savaient. Maintenant, verset 3:1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? La question est fondamentale, c'est celle qu'on a posée. L'apôtre est arrivé sans l'aide humaine de recommandation. Il n'avait pas une lettre des apôtres de Jérusalem dans sa poche. Regardez, je suis apôtre. Ben là, ils m'ont décrété apôtre. Ou de l'église de Corinthe, d'Antioche, comme on a signé tout à l'heure. Il n'est pas arrivé avec ça dans sa poche. Par contre, il y avait dans l'église des gens qui lui reprochaient justement de ne pas avoir de recommandation. D'être. C'est qui, lui, pour dire qu'il est apôtre? La question est fondamentale. Mais il a regardé la réponse qu'il va donner. Et ça dure sur plusieurs chapitres. On a souligné tout à l'heure quelques réponses, mais vous allez voir, ils reviennent. Verset 2, il dit, « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs et lue de tous les hommes. » La conversion des gens de Corinthe, leur attachement au Seigneur Jésus. Première preuve, ils sont envoyés de Dieu, qu'ils viennent de Dieu, et que c'est par Dieu qu'ils l'ont fait. D'accord? Et chaque église a un commencement. L'église de Saint-Hilaire ici, ça a commencé en 77. Dans une maison, comme à Saint-Denis. Et c'est des hommes qui ont agi de la part de Dieu, qui ont commencé quelque chose ici. Et plusieurs ont bénéficié de la grâce de Dieu ici. Peu importe la manière par où on a traversé, par quoi on a traversé pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui, à quelque part, Dieu a, dans son autorité, établi cette église-là. Maintenant, au verset 4, en passant, si vous lisez tout le chapitre 3, là, c'est un témoignage à la grâce que Dieu a faite à Corinthe à travers le travail des serviteurs. Au verset 4-2, chapitre 4-2, nous rachetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voyez-vous encore? L'apôtre Paul ici est en train d'élever l'esprit des Corinthiens à reconnaître ce qui fait qu'ils sont des serviteurs de Dieu. C'est pas encore là une lettre humaine. C'est une lettre spirituelle. Puis, à l'opposé, il y en a qui ne rejettent pas les choses honteuses qui sont en secret. Puis, vous allez voir au verset 4-3 et 4-4, il y en a qui voilent l'Évangile à ceux qui périssent. Hein? Et dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, ils participent à l'aveuglement des autres. Ça, c'est l'opposition entre ceux qui font la volonté de Dieu, qui sont des serviteurs de Dieu, et ceux qui ne le sont pas. 4-6. Comment on reconnaît encore les serviteurs de Dieu? Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ils sont humbles devant Dieu. Les serviteurs de Dieu sont humbles devant Dieu. Ils portent ce trésor de la parole de Dieu dans des vases de terre. Ils sont humiliés même par la parole de Dieu, d'une certaine manière. Mais en même temps, puis en plus, ils sont pressés, au verset 8, hein, ils sont pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Ce n'est pas des désespérés parce qu'ils sont là-dedans. Au contraire, ils portent un message d'espoir, la résurrection des morts. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse, verset 11, là, livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Les vrais serviteurs de Dieu, c'est ce qui se passe. La vie va agir dans la vie des saints. Toutes des images extrêmement importantes. Je vais juste vous résumer parce qu'il faut lire, il faudrait relire tous les versets, puis j'ai pas le temps avec vous. Hein? Ils manifestent la vie de Jésus-Christ dans leur corps. Ils portent l'espérance de la résurrection dans leur corps. Ils persévèrent dans l'affliction. Ils désirent se revêtir du domicile céleste. Ils sont toujours pleins de confiance, s'efforcent de toujours plaire à Dieu, connaissent la crainte du Seigneur. À l'opposé, ceux qui ont des lettres de recommandation humaines puis qui tirent leur gloire des hommes ne font pas ça. Donc, message à l'Église ici, saints, reconnaissez qui sont vos serviteurs, puis les autres, dénoncez-les. Vous ne les suivez pas. Comprenez-vous le point? Puis là, si vous continuez comme ça, vous allez trouver toutes sortes de choses, d'indices sur les serviteurs de Dieu, donne une occasion aux Corinthiens de se glorifier de ce que Dieu fait a fait pour eux. Ils sont pressés par l'amour de Christ. Rappelez-vous ces expressions-là. Ils vivent pour Jésus-Christ seulement. Ils portent le ministère de la réconciliation. Est-ce que c'est des diviseurs ou c'est des réconciliateurs? Ils sont des ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc, vous savez qu'un ambassadeur, ça porte les emblèmes de celui qui les envoie ou du pays qui les envoie, exhorte à recevoir définitivement la grâce de Dieu. Ils se recommandent à tous par leur exemple. Ce que ça a eu comme effet dans l'Église, le fait que des gens ont voulu prendre la place en autorité sur l'apôtre et sur les serviteurs qui l'accompagnaient, ça a eu comme impact qu'ils se sont rétrécis, leurs entrailles se sont rétrécies. L'apôtre va dire, notre bouche est ouverte pour vous, mais que vos entrailles s'élargissent, les Corinthiens. Ils se sont rétrécis, vos entrailles. Pourquoi? Parce que vous avez écouté des gens qui ont fait du bruit dans votre vie et qui vous ont dépeint, nous ont dépeint, nous, comme étant des pas bons. Je parle de la manière québécoise, là, vous comprenez? Puis, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait en sorte que les Corinthiens, tranquillement, pas vite, est en train de glisser à faire entrer des idoles dans l'Église. Hein, rappelez-vous au chapitre 6, « Ne vous mettez pas en joug avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant, donc, Corinthiens, laissez pas cette chose-là arriver. » Maintenant, revenons à notre passage. Dans ce passage-là, Dieu, à travers l'apôtre, à travers l'écrit de 2 Corinthiens, dit aux Corinthiens de se prendre en main et d'agir. Avant, évidemment, ici, c'est l'arrivée de l'apôtre Paul, parce que lui, il est encore vivant à ce moment-là, il peut aller dans l'Église, il peut intervenir dans l'Église, au nom de Jésus-Christ. Mais c'est pas ça qu'il souhaite, c'est pas ça que Dieu veut. Il veut que les Corinthiens le fassent d'eux-mêmes, qu'ils s'ouvrent les yeux par eux-mêmes et qu'ils reconnaissent ce que Dieu veut et qu'ils le fassent. Ça fait que quand vous voyez l'introduction du chapitre 10, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous. » C'était vrai en passant ça. Je suis sûr que c'était une humilité qui caractérisait l'apôtre Paul, mais pas une imbécilité. Ni non plus une parole méprisable ou une momoune. Ça, c'est ce que les personnes dans l'Église, certaines personnes, faisaient. Pourquoi je dis « certaines personnes » On ne verra pas ce matin comme il faut. Les autres prédicateurs qui vont venir après moi vont en parler. Mais regardez au chapitre 11 et au verset 12, 13, 14 et 15 qu'on va lire ensemble. C'est une réalité, là, les personnes qui cherchent à dénigrer l'autorité de Dieu à travers ses serviteurs dans cette Église. Je le répète. C'est une réalité dans l'Église de Corinthe que des hommes cherchent à dénigrer l'autorité de Dieu, pas l'autorité nécessairement de Paul, mais l'autorité de Dieu à travers ses serviteurs. On va lire. Verset 12. « Mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à qui? À des personnes, à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous sommes trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'apôtre dit ici, j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à qui? À ceux qui agissent mal. À ceux qui se prétendent être des apôtres, mais qui ne sont pas recommandés par Dieu. Non seulement ils ne sont pas recommandés par Dieu, mais en plus, ils détournent les hommes de la vérité. Les ministres de Satan, ça amène pas les saints, ça veut pas emmener les saints dans la vérité ou dans l'obéissance à la vérité. Maintenant, il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières de quelqu'un ici dans l'Église agit mal ou ne comporte pas toujours comme il devrait se comporter. Mais ici, là, le sujet principal, c'est l'autorité. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autorité dans l'Église? Ici, l'autorité, à ce moment-là, c'était l'apôtre Paul, c'était la parole de Dieu qui était en train de s'écrire, et c'était extrêmement important que cette situation-là soit clarifiée dans l'Épître. D'accord? Si ça l'avait pas été fait, je sais pas pourquoi on étudierait 2 Corinthiens aujourd'hui. Mais parce que Dieu a pris la peine de nous clarifier ces choses-là, on peut regarder cette Épître-là comme étant entièrement la parole de Dieu. Toujours dans le même chapitre 11, là, au début du chapitre 11, l'apôtre va dire ici, où Dieu dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient à vous, vous prêchez un autre Jésus que celui que vous nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que nous avez reçu, ou si un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Voyez-vous ici ce que Dieu essaie de faire? Il y a des mauvais ouvriers et des gens qui font ce travail-là, et l'Église le tolère. Et c'est relié à qui a l'autorité. Et c'est une question fondamentale. Continuons avec le début du chapitre 10. Je vous fais sauter du coq à l'âne, mais c'est toujours le même sujet. Qui a l'autorité? Et comment l'autorité, Dieu l'a déléguée même aujourd'hui? C'est important. On voit, dès le chapitre 10, l'apôtre ici amène véritablement l'Église à se prendre en main. Hein? « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, j'implore, je vous demande, avec instance, en pleurant, lorsque je serai présent, il sait qu'il va arriver chez eux là, dans 2-3 mois maximum. » de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Qu'est-ce que faisaient ces gens-là qui le regardaient, Paul, comme marchands selon la chair? Est-ce qu'ils se contentaient juste de voir? D'après vous? Hein? Il devait en parler. Qu'est-ce qui arrive quand vous allez bien avec quelqu'un, puis quelqu'un passe en arrière de vous, puis il vous parle là-dessus, ce gars-là, là, il peut pas venir de Dieu, regarde ce qu'il fait. Puis que cette personne-là, ça s'adonne, est en autorité. Et que vous faites rien avec ça. Vous faites juste entendre. Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Ouais, c'est comme le problème que j'entends c'est souvent. Ouais. Friandise, c'est bon dans la bouche, mais quand ça descend dans les entrailles, ça fait de l'amertume. Et quand c'est vis-à-vis les personnes en autorité. L'apôtre Paul était une personne en autorité. Vous êtes d'accord? Hein? Est-ce qu'on, tout le monde est d'accord? Quand vous avez une personne en autorité, qu'est-ce que ça fait chez les autres? Chez la personne qui l'a entendu? Ça brise l'autorité de Dieu. Carrément, ça sape l'autorité. Vous essayez de vous soumettre à une autorité pour laquelle vous avez toléré une critique qui n'est pas bonne. C'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin. Quand Ève a accepté le mensonge de l'adversaire, de l'ennemi, de Satan, elle n'était plus capable de se soumettre à Dieu. Puis son mari n'a pas fait mieux. On continue. Si nous marchons dans la chair, parce qu'il reprend l'argument ici de ses accusateurs, écoutez là, si vous pensez qu'on marche dans la chair, nous combattons pas selon la chair. Effectivement, l'apôtre était physiquement un homme, comme tout le monde. Mais il combattait pas selon la chair. C'était pas avec son corps qu'il redressait l'Église ou qu'il amenait des exhortations à l'Église par l'Esprit. Et c'est par la puissance de Dieu. Fait qu'il est en train de leur dire ici, là, faites attention. Vous touchez pas. C'est à Dieu que vous touchez, là. Pas à moi. Moi, je suis juste un homme. Puis si je me tiens debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu combat. Puis il veut que je me tienne debout. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand une personne se convertit, c'est exactement ça qui se passe. La personne était captive de ses pensées contre Dieu. Et quand elle se convertit, la forteresse, le mur de son raisonnement est tout renversé. Il est amené à l'obéissance de Christ. Et c'est un miracle. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc, on combat pas charnellement. C'est pas par vos belles paroles ou nos belles paroles que l'on convainc les gens de suivre Christ. Il y a une puissance de Dieu qui est manifestée. C'est la même chose vis-à-vis de l'autorité. C'est la même chose. Verset 6. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ça, c'est un verset que j'ai eu de la misère à saisir. Oui. Éphésiens 2, 14, vas-y. Oui, c'est un excellent point complémentaire, effectivement. Pour les besoins d'enregistrement, là, c'est Éphésiens 2, 14, donc à lire le verset pour ceux qui entendent l'enregistrement. Verset 6, là, je reviens encore. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Je pose la question ici. Si mon obéissance est complète, pourquoi il va punir ma désobéissance? Réponds pas, Jean-Claude. Tout de suite. J'ai posé la question au comité pastoral. Je savais pas. Moi, vendredi, je connaissais le verset depuis longtemps. Puis, comprenez-vous la difficulté du verset? Fernand, tu comprends? Punir toute désobéissance quand ton obéissance va être complète. Il y a comme une contradiction là-dedans. Hein? Vas-y. Toi, tu penses qu'il parle de maintenant puis le futur, ça va être correct? C'est pas tout à fait ça. Ça serait écrit autrement. Ça serait écrit autrement. Écoutez, vous ne laisserez pas plus longtemps sur votre faim, mais vous avez compris la difficulté. L'important, c'est que vous compreniez qu'il y a une difficulté dans ce verset-là. La meilleure manière de comprendre ça, je vais faire appel aux parents, puis les jeunes qui n'ont pas d'enfants, posez des questions à vos parents. Puis nous voir les anciens ont besoin si vous n'avez pas saisi. Les parents, quand vous avez dit à votre enfant, garçon ou fille, vous lui avez expliqué quelque chose, qu'il veut vous tenir à ce qu'il obéisse, il le fait une fois. Hey, là, vous tapez dans les mains. Il a compris! Enfin! Plus besoin d'intervenir. La semaine d'après, il se plante les pieds à la même place. Qu'est-ce que vous faites? Avant, là, vous ne l'avez pas nécessairement puni, vous l'avez instruit à ne pas le faire. Mais quand il sait ce qu'il a à faire, puis il ne le fait pas, qu'est-ce que vous devez faire? Comme tu dis, il vient de saisir. Tu n'as pas le choix, tu dois punir. Une fois que son obéissance est rendue, ici, le terme qui est utilisé complète, là, c'est en même temps, dans le fond, c'est entière. Qu'elle est développée, vous savez ce que vous avez à faire. C'est là que l'obéissance doit s'exercer. Oui. On est prêt à punir toute obéissance quand vous avez compris c'est quoi l'obéissance. Si tu n'as pas compris comment faire quelque chose, on va être patient, on va répéter, on va encourager parce que tu n'as pas saisi. On va faire par le modèle, on va bien maintenant. Mais quand tu as compris, tu sais, et je sais que tu as compris, et maintenant, tu arrêtes aux enfants, hein, tu leur gardes, tu leur gardes. Donc, avec Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si Dieu nous a expliqué quelque chose à faire et qu'on le fait pas, bon, il y a les autorités humaines que Dieu a données. Vous savez, dans l'Église, c'est quoi les autorités que Dieu a données? Les anciens? Tu te bases sur quoi pour dire ça, Valérie? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Hébreux, on va les lire. Oui? Je sais. Fini. On finit là. Je vais en laisser pour les autres. Hébreux puis 1 Pierre. Vous allez voir que c'est fondamental aussi pour nous aujourd'hui. Hébreux 13, verset 17, un passage que vous connaissez très bien. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Le point ici, c'est obéissez à vos conducteurs. Dans 1 Pierre, à la fin du chapitre de la première épître de Pierre, ça parle aussi des anciens. Voici les exhortations 5.1 que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais comme les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne sa grâce aux humbles. Il y a d'autres passages qui parlent aussi de la soumission aux autorités. Le point ici est la même chose qui est arrivée chez les Corinthiens. Et je vais vous laisser avec ça, parce que c'est vraiment notre application. C'est une application qui dure toute notre vie. Que je fais quoi avec l'autorité que Dieu a déléguée dans l'Église? À l'époque de l'apôtre Paul, au moment où il écrit le deuxième épître, c'est Paul qui est l'autorité. Mais il y avait aussi des anciens dans l'Église qui étaient en train d'apprendre. Et après le départ de l'apôtre Paul, ce sont les anciens qui ont occuper la chair de Dieu avec l'autorité. Les Écritures étant là, la référence étant les Écritures. Pour les anciens aujourd'hui, ce sont les Écritures qui sont la référence. Quand les anciens, peu importe la manière dont ça peut se produire, des fois ça se produit de différentes manières, mais en général, les anciens, en général, ils doivent être unanimes, pas nécessairement pareils, mais unanimes dans leur manière de voir l'application de la vérité, disent quelque chose, et moi je retourne à la maison, et je dis autre chose à mes enfants, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou que je tolère, dans ma tête, quelque chose qui est véritablement contre eux. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je ne suis pas en train de faire ce qui se passait dans l'Église de Corinthe avec certains individus? Méditez là-dessus. Implorez la grâce de Dieu dans vos vies, parce que c'est fondamental pour que vous soyez, je pense, goûter pleinement la consolation de Dieu en Jésus-Christ. Jean-Claude. C'est bon. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de préposé à l'offrande? Oui, ah, Pierre, c'est bon. J'étais pas au courant. Tu veux mettre ça devant le Seigneur? Amen. On va se lever pour des chants. Je ne veux pas rajouter à l'excès. Juste que c'est intéressant dans la lettre qu'on vient de lire que Paul ne mentionne pas les personnes dont il fait référence. Et la raison pourquoi qu'il ne mentionne pas, en tout cas moi je pense que la raison pour laquelle il ne mentionne pas, c'est qu'il n'a pas besoin de les mentionner, pas plus qu'il a besoin d'affirmer son autorité auprès de ceux qui le connaissent. Parce que l'Église le sait c'est qui. Ça va? On se lève? On chante. Merci de m'en Thank you.